牵着我来的你 Wine for the peace The birthday of you Nous aussi, on a un voisin Il aime la saucisse et en plus il a un gros chien Il habite en face de l'autre côté de la rue Et à chaque fois qu'on passe, on se fait mordiller le cul On sait que lui, il écoute Johnny Même qu'au sud de sa chambre, il a un poster de lui Sa femme est alcoolique, sa fille est boulimique Il faut pas lui en vouloir s'il n'aime pas notre musique Et c'est l'apologie De la diarrhée verbale Des chansons pourries, on en a pas mal Des chansons pourries, on en a pas mal On kiffe sa main, on kiffe sa main Toute la honte pour que dalle Plus ça crie fort, plus on tripe, c'est normal Plus ça crie fort, plus on tripe, c'est normal Ma petite Margot, elle a créé un blog Elle a des idées de merde, mais elle ne prend pas des drogues Elle a 12 ans, et avec Jennifer Au bout d'une ou deux bières, elles sont carrément par terre Elle veut faire les grandes pour faire bander Jérémy Mettre des strings à bander leur blog le plus sexy Elle a donné rendez-vous au McDo En plus, elles ont la chance, ils étaient avec Nico ouais. C'est l'apologie de la diarrhée verbale Des chansons pourries, on en a pas mal Des chansons pourries, on en a pas mal On kiffe sa manne, on kiffe sa manne Saute la honte pour que dalle Plus ça crie fort, plus on tripe, c'est normal Plus ça crie fort, plus on tripe, c'est normal Et comme le Disney fan, on est des rageux On mange du sucre en poudre, du sel parce que c'est mieux On est des communistes, en plus on n'a pas de peau Le rouge c'est la couleur qui excite les taureaux Dans notre société, il faudrait changer L'ouverture d'esprit des gens qui ne savent même pas ce que c'est Louer un vigile pour le netto Ou tout simplement se tirer de ce patron qui s'appelle Morton C'est l'apologie de la diarrhée verbale Des chansons pourries, on en a pas mal Et des chansons pourries, on en a pas mal on kiffe sa manne Se fout de la honte pour que dalle Plus ça crie fort, plus on tripe, c'est normal Plus ça crie fort, plus on tripe, c'est normal Et vous l'aurez compris, nos chansons sont bidons C'est pour ça qu'à chaque fois, eh ben, on se tape derrière con Dans l'école maternelle ou devant le netto C'est peut-être pour ça qu'on a devenir clodo Ou même mécanicien ou aviateur Peut-être agriculteur dans le sud-ouest américain Wesh, pour l'instant, c'est dans la cité de mort En bâtiment ripou, nommé Edgar Faure hey, oh, C'est la prologie de la diarrhée verbale Des chansons pourries, on en a pas mal Des chansons pourries, on en a pas mal Et c'est l'apologie de la honte pour que dalle Des chansons pourries, on en a pas mal Des chansons pourries, on en a pas mal On kiffe sa manne, sous la honte pour que dalle On kiffe sa manne, sous la honte pour que dalle Et plus ça crie fort, plus on tripe, c'est normal Et plus ça crie fort, plus on tripe, c'est normal Et